De la Gazette de Wisborg du 10 juin 1838. Hier matin a eu lieu, à la résidence du gouverneur, une réunion très importante sur laquelle on a gardé le plus grand secret, mais dont nous pouvons néanmoins aujourd'hui, avec l'autorisation de la censure, donner à la fois les causes et les conséquences. On se souvient qu'il y a une semaine, arriva dans notre port, d'une façon particulièrement mystérieuse, un navire, l'Otto Friedrichs, qui contenait des caisses pleines de terre d'où sortit une armée de rats. Malgré la chasse qu'on fit à ces bêtes, quelques-unes réussirent à gagner l'intérieur de la ville, et depuis ce jour on a constaté 4 ou 5 cas d'une maladie qui s'apparente évidemment à la peste noire. Les médecins qui ont examiné les malades atteints de cette terrible épidémie ont décidé de prendre les mesures les plus sérieuses pour essayer de l'enrayer. Il était nécessaire en outre qu'ils aient à leur disposition toutes les forces de l'administration pour pouvoir mener leur tâche à bien et éviter à Wisborg un épouvantable fléau. Le gouverneur, dont on sait la sollicitude pour ses administrés, a promis que tout serait fait dans cette intention et nous sommes heureux de pouvoir assurer nos lecteurs sur ce point. Mais au cours de la délibération des docteurs et des principaux fonctionnaires de la ville, une intervention s'est produite qui a été considéré comme une manifestation maladive d'un de nos concitoyens, pourtant les plus estimés, le docteur Bulwer. Intervention dont nous rapportons toutefois les grandes lignes, car elle a un caractère assez romanesque pour intéresser tous ceux qui ont de l'imagination. Le docteur Bulwer a déclaré que tout ce qu'on pouvait faire pour enrayer l'épidémie de peste noire était en effet très heureux, mais que ce n'était là qu'un moyen empirique de parer à un désastre. « Vous ne voyez pas, a-t-il dit, exactement ce qui se passe. Vous prenez à la fois tout trop au sérieux et trop à la légère. Je suis étonné que parmi les savants qui sont ici, nul d'entre vous, messieurs, n'ait établi de corrélation, non pas entre la présence des rats dans le port de Wisborg et le premier cas de l'épidémie de peste, comme vous l'avez fait, mais entre la singulière arrivée de ce navire sans pilote et sans équipage et l'éclosion du mal contre lequel vous vous défendez justement. C'est fort bien de ne vouloir considérer les choses que du point de vue humain. C'est parfait de prendre toutes les précautions contre les progrès d'un mal qui répand la terreur. Mais encore, faudrait-il être assuré que cette maladie n'a pas une origine plus singulière que celle des rats que vous lui donnez, et que nous ne sommes pas en présence d'un de ces phénomènes où le démon joue un rôle capital. À ces mots, toute l'assemblée poussa des clameurs. Nous ne sommes pas ici, dit un des membres, pour écouter des histoires de bonnes femmes. Vous nous prenez pour des petits garçons. Et même un fonctionnaire, peu respectueux de l'endroit où il se trouvait, cria « Au fou ! Au fou !» D'aucuns voulurent même faire un rapprochement entre le cas de M. Knock et celui de l'honorable Dr. Bulwer. Mais on sait que ce dernier ne se laisse pas facilement intimider. Il sut garder la parole à force d'autorité. « Messieurs, continua-t-il, il est possible que je vous contrarie. Il est possible que la voix du bon sens vous paraisse aujourd'hui de la folie. Mais soyez assurés que je ne me trompe pas. Il y a un rapport beaucoup plus certain que vous ne l'imaginez entre l'arrivée du bateau et la peste. Et si vous voulez me permettre de pousser plus loin mes déductions, je vous dirai que le chef de la police aurait le plus grand intérêt à diriger ses pas personnellement et aussi ses hommes vers cette demeure abandonnée à laquelle étaient destinées les boîtes de terre que transportait l'Otto Friedrichs, boîtes qui étaient pleines de rats et qui me paraissent aussi bien dans leur provenance que dans leur destination éminemment suspecte. Quel est cet individu qui est venu s'installer aux confins de notre ville et de la campagne, dans une habitation depuis longtemps en ruine et qui ne pouvait tenter qu'un maniaque ou un criminel ? Avez-vous cherché à comprendre pourquoi cet homme était venu s'installer chez nous? A-t-on pris des renseignements sur lui? À quoi quelqu'un répondit que le compteur Locke avait demandé au gouverneur général l'autorisation de venir habiter Wisborg, dans un endroit certes peu fréquenté de la bonne société de la ville, mais enfin peut-être fort agréable pour un artiste. Le compteur Locke était une personnalité suffisamment connue pour qu'il ne fût pas besoin de lui demander d'autres explications. Par conséquent, le gouverneur avait bien fait de l'autoriser à venir à Wisborg, et ce qui se passait actuellement dans la ville n'avait rien à voir avec la présence du comte. « C'est bien, messieurs, conclut l'honorable docteur, je n'insisterai pas. Je me permettrai seulement de vous faire remarquer que cet homme pourrait bien être de la race de Bélial, et que si vous n'y prenez pas garde, ce n'est pas seulement le corps, mais l'âme de notre ville même qui sera définitivement perdue. La race de Bélial. Jamais le palais du gouverneur n'avait retenti de mots étranges, aussi inconnus, aussi bizarres, et le docteur Bulwer peut se vanter d'avoir provoqué un vrai scandale. À quelques jours de là, une affiche était apposée sur les murs de Wisborg. Elle était rédigée en ces termes. Par ordonnance du haut magistrat, il est interdit aux citoyens de transporter à l'hôpital les malades atteints de la peste afin d'éviter que cette maladie contagieuse ne se propage par les rues. Il est également recommandé de fermer les portes et les fenêtres pour éviter de respirer l'air empoisonné. Enfin, les combats funèbres et enterrements devront, sauf autorisation spéciale du haut magistrat, circuler de nuit dans les rues de la ville. L'église et tous les lieux clos sont interdits aux convois et services funèbres. Pour les services religieux, ils seront célébrés par le clergé dans l'intérieur des maisons des défunts. Car cette fois, le doute n'était pas permis, la peste, c'était bien elle, ravageait Wisborg. En Transylvanie et dans les ports de la mer Noire, à Varna, à Galatz, tout le long du Danube, le terrible fléau s'était déchaîné. Comment avait-il éclaté? Quand même avait-il pris naissance? Nul ne pouvait le dire, mais enfin, il semblait bien, si l'on s'en rapportait aux propos des habitants des villes et des villages voisins de la mer et du fleuve, que la peste était née au lendemain du jour où le bateau Otto Friedrichs était passé devant villages et villes. Ce fut partout une terreur folle. Les habitants des grandes agglomérations fuyaient vers les campagnes, campaient dans les champs, s'installaient dans les forêts, sur le bord des rivières, poussaient leur déroute jusque dans les montagnes. Ce fut en quelques jours une formidable ruée que rien ne pouvait arrêter. En voyant arriver ainsi cette armée affolée d'hommes, de femmes et d'enfants, en constatant qu'elle abandonnait sur son passage d'innombrables cadavres, les campagnards terrorisés à leur tour évacuèrent les hameaux ou les bourgades et se précipitèrent vers les villes. Ce fut comme une immense chasse aux rats. On ne pouvait calculer combien de gens mouraient par jour, et partout, malgré l'éclatant soleil de juin, c'était la désolation et la misère. En peu de temps, cela dégénéra en véritable guerre civile. Les uns reprochaient aux autres leur impiété ou leur libertinage. C'était à eux, disaient-ils, que les honnêtes gens devaient cette calamité céleste. Les autres accusaient la politique. Les plus farouches s'en prenaient à la noblesse et aux gens riches et prétendaient que c'était eux qui avaient semé l'épidémie pour entrer en possession des biens de toutes les malheureuses victimes. La peste s'aggravait d'une révolution. Les scènes les plus effroyables de jacquerie se déroulaient aux portes des châteaux. Les paysans affamés montaient à l'assaut des demeures seigneuriales et prétendaient se nourrir en pillant. Dans les faubourgs des grandes cités, la population misérable rasiait les boutiques. La police intervenait, mais en vain, car elle était elle-même décimée par le mal. À cette période d'émeute et d'épouvante qui dura une semaine, succéda une longue quinzaine d'abattements. Les routes furent désertées, les champs étaient remplis de campements où l'on ne voyait même pas de traces de vie. Des animaux, chevaux, bœufs, porcs, se dispersaient à travers champs et crevaient faute de soins. Dans les cités, c'était le deuil général. À Wisborg en particulier, si nous en croyons les notes de Jean Uther, l'existence était affreuse. Dès le crépuscule, ce n'était que procession de cercueils recouverts de drap noir que les gens de bonne volonté, revêtus eux-mêmes de cagoules noires, afin de se protéger le visage et la bouche contre les miasmes pestilentiels. Nous ne pouvons pas l'entendre dans notre chambre close. Ainsi, je lui dis de ces mensonges grossiers que l'on fait aux enfants, car elle ignore encore à peu près la vérité et ne soupçonne pas le désastre qui nous bouleverse. Ce matin, écrit encore Uther à la date du 30 juin, j'étais obligé de sortir pour aller chercher le docteur Bulwer car Hélène a une crise de nerfs. Les rues sont complètement désertes, on n'entend aucun bruit, pas une voiture ne circule, toutes les fenêtres sont fermées, la ville a l'air d'un tombeau. Il semble à chaque pas que la seule personne qu'on puisse rencontrer, c'est la mort, vêtue d'un grand manteau sombre, et j'avais si peur par instant que je me suis mis à courir comme si j'avais vu la faucheuse à mes trousses. Le temps est splendide et pourtant il me semble que le ciel est gris. Il pèse sur Wisborg une atmosphère étouffante. On dirait que le ciel a mis un couvercle de plomb sur notre cité. En vérité, ceux qui ne seront pas atteints par la peste deviendront fous. » C'est à cette époque, exactement le 1er juillet, que le docteur Pulwer, au cours d'une réunion des sommités médicales de la région de Wisborg, fit les révélations suivantes, qui fournissent d'ailleurs le dénouement à cette tragédie, comme on le verra dans la suite. Dans les papiers de Jean Uther se trouvait précisément le rapport de son ami. Nous le reproduisons intégralement.